Les déboires d'un enfant de Thierry Cabot. Poème extrait de Lumière enfantine. Les déboires d'un enfant. 1. Maman à la maison. Ah, tiens-toi comme il faut, ne bouge pas, sois sage. Vilain, quel roi des sacripants. Mes pensées. Ne peut-elle à la fin changer d'air, de message, pitié, j'en ai mal au tympan. 2. Maman a une amie. Ma chère, voyez-vous, c'est un bon petit drôle. Mes pensées. S'agit-il bien ici de moi? Maman encore a son amie. Et puis, si vous saviez comme il aime l'école. Mes pensées. Mais elle dit n'importe quoi. 3. Maman à papa. Oh, chérie, ces mots-là, près de lui, dans ta bouche, quelle folie et quel excès. Mes pensées. Ma fiancée à moi n'est pas aussi farouche. Il y a beau temps que je sais. Maman dans la rue. Dis bonjour tout de suite au monsieur, à la dame. Mes pensées. Un vrai salaire de forçat, car que n'invente-t-on pas pour me torturer l'âme? L'enfance, au fond, ce n'est pas ça.